Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Gamozo 107FM. Je suis ravi de vous retrouver en ce lundi matin. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle édition de votre émission sur l'histoire du cinéma, intitulée La Christoire du cinéma. Je m'appelle Chris et je serai votre hôte aujourd'hui pour cette émission. Comme promis lors de la dernière émission dans laquelle nous avons parlé de la deuxième partie du Peplum, en abordant notamment ce qu'il s'est passé ailleurs et des années 30 et 40 dans différents pays, nous allons parler aujourd'hui des années 50 et 60 qui constituent le second âge d'or du Peplum. Ceci sera donc la troisième partie, et cette partie sera diffusée en plusieurs émissions, étant très riche en informations et très complexe. Dans cette partie, nous allons parler des productions américaines de 1951 à 1968. Commençons donc tout de suite par parler de la renaissance du péplum. C'est à Cinecittà que s'opère la renaissance du péplum italien grâce aux Américains. En 1951, se déroule à Rome le tournage d'une nouvelle version de Quo Vadis, signée par Mervyn LeRoy, avec Robert Taylor et les Britanniques Deborah Kerr et Peter Ustinov. Cette renaissance est placée sous le signe des premiers martyrs dans la Rome antique. Le triomphe de Quo Vadis lance la mode du péplum à Hollywood durant plus de 10 ans et sacre Cinecittà, capitale du cinéma américain. D'ailleurs, à plusieurs reprises, des cinéastes italiens et américains collaborent. Les productions, les distributions et les équipes techniques sont internationales. Grâce au péplum américain, Rome devient la capitale la plus cosmopolite, la plus internationale du cinéma. Passons maintenant aux œuvres portées. Dans le sillage de Mervyn LeRoy, des cinéastes prestigieux de Hollywood s'attellent au genre. Le vétéran Henry King avec David et Bethsabé en 1951, qui reprend la recette de Samson et Dalila, comme plus tard un autre vétéran, King Vidor, pour son dernier film qui n'était pas le meilleur, Salomon et la reine de Saba, en 1959, tourné en Espagne avec un budget colossal englouti par l'interruption du tournage à cause du décès de Tyrone Power, et son remplacement par Yul Brynner, avec laquelle on dut refaire toutes les scènes précédemment tournées avec Power, par la construction du temple et d'un quartier entier de l'antique Jérusalem dans les studios de Séville, et enfin par les scènes de bataille tournées dans le désert de Saragosse. Frank Borzage, encore un vétéran, finira également sa carrière sur un péplum biblique intitulé Simon le Pêcheur, tourné en 1959. Cécile B. 2000, le pape du péplum américain, tourne un remake en 1956 de son film Les Dix Commandements, sorti en 1923, également dans le registre biblique. Ce remake sera tourné avec, à l'affiche, les célèbres acteurs Charlton Heston, dans le rôle de Moïse, ou encore Yul Brynner, à nouveau, dans le rôle de Ramsès II. Le péplum américain, à ce moment, est plus que jamais une course au gigantisme. Les Dix Commandements rivalisent en nombre de figurants avec La Terre des Pharaons, de Howard Hawks, qui relate l'épopée de la construction titanesque de la pyramide de Khéops sur un scénario notamment signé par William Faulkner, bien que selon certaines sources, dont Noël Howard, il n'en ait pas écrit une ligne, avec les décors d'Alexandre Trauner, dont le tournage a fait l'objet d'un livre de Noël Howard. William Dieterle, connu pour le film Salomé en 1953, et Michael Curtiz, connu pour le film L'Égyptien, d'après le roman de Mika Waltari, est sorti en 1954, 30 ans après L'Esclave Reine, dont Marlon Brando refuse le rôle-titre, allant jusqu'au procès avec Daryl Zanuck et préférant à tout prix interpréter Napoléon dans le film Désiré en 1954, complète le groupe de cinéastes déjà anciens, pour la plupart inexpérimentés dans le genre du péplum jusque dans les années 50. Mais était-ce un passage obligé? C'est ce que nous allons voir dans cette nouvelle partie. Parmi les outsiders, Delmer Daves réalise pour 3,5 millions de dollars dans une banlieue de Los Angeles le film Les Gladiateurs, sorti en 1954, la suite au succès moindre de La Tunique de Henry Coster, qui est le premier film en cinémascope, d'un coût de 4,5 millions de dollars en 1953, et Douglas Sirk met en scène Attila avec Jack Palance et l'empereur de Constantinople, Théodose, dans Le Signe du Païen, qui traitent tous des débuts du christianisme. Pour la petite parenthèse, le cinémascope est un procédé de prise de vue et de projection consistant à anamorphoser, à comprimer, l'image à la prise de vue pour la désamorphoser, pour l'étirer à la projection. Fin de la parenthèse. Robert Rossen s'attaque à la biographie d'Alexandre le Grand en 1956, tournée en partie en Espagne. Plus tard, William Wyler, avec son fameux Ben-Hur, évince le souvenir de son prédécesseur de 1926. Tous témoignent pareil des chroniques érotiques, artistiques et ou athlétiques de Hollywood d'alors. Jules César, avec Joseph Mankiewicz, sorti en 1953, n'appartient pas à cette veine spectaculaire, sobre adaptation de la pièce de Shakespeare. Une autre adaptation d'une pièce de théâtre, par Chester Erskine, Androclès et le Lion, d'après George Bernard Shaw, est tournée la même année. D'autres metteurs en scène s'illustrent dans le genre, parfois, voire souvent, dans des productions européennes. Richard Thorpe, disposant d'un budget dépassant les 5 millions de dollars, relance la carrière de Lana Turner, qui est d'ailleurs très dévêtue, en tant que prêtresse de l'amour, dans le film Le Fils Prodigue, d'après Saint-Luc en 1955, alors que Sins of Jezebel, que l'on pourrait traduire par Les péchés de Jezebel, inédit en France de Reginald Le Borg, n'aura pas d'impact notable sur celle de Paulette Goddard en 1953. Richard Fleischer réalise l'excellent Barabbas avec un Anthony Quinn halluciné et hallucinant, le frère de Sylvana Mangano en Jésus, et une scène de crucifixion tournée au cours de la véritable éclipse solaire du 15 février 1961. Robert Wise, avec Raoul Walsh, non crédité, réalise Hélène de Troyes avec dans un rôle secondaire la débutante Brigitte Bardot et Jean Marais jouent dans Ponce Pilate, Tirving Rapper, avec aussi une scène de crucifixion tournée au cours de la même éclipse totale du soleil du 15 février 1961 à Roccastrada en Toscane. Ce dernier dirige également, associé au réalisateur italien Luciano Ricci en 1960, le film L'esclave du pharaon, relatant l'histoire de la tétralogie Joseph et ses frères, et qui met notamment en présence Geoffrey Horn avec Belinda Lee. Les films Esclaves de Babylone de William Castle en 1960 également et La princesse du Nil de Harmon James sorti en 1954 avec le couple magnifique formé par Debra Paget et Jeffrey Hunter explorent également les hauts lieux de la haute antiquité. Jacques Tourneur, avec la complicité de Mario Bava et Rudolf Maté, s'attache aux batailles avec, respectivement, la bataille de Marathon en 1959 inspirée d'Hérodote et avec des scènes navales réglées par Bruno Veilati et la bataille des Thermopyles, en 1962. Rome, enfin, inspire au Britannique Victor Savy le calife d'argent qui marque les débuts de Paul Newman en 1954 et à André de Tost lors des Césars où Jeffrey Hunter a, cette fois, Mylène de Montjo comme partenaire. Ce film est sorti en 1963. Qu'en est-il de la gravité et de la fantaisie? Nous allons voir ça tout de suite. Le péplum, loin d'être réduit à un simple divertissement, continue à attirer les grands réalisateurs jusqu'au début des années 60. En 1960, Stanley Kubrick livre le spectaculaire Spartacus au succès mérité et admiré par John Kennedy. Son héros et producteur Kirk Douglas, qui a raconté en détail l'aventure du film dans sa biographie, tente de faire disparaître la version italienne antérieure, mise en scène par Ricardo Freda. La même année, Raoul Walsh met en image l'épisode biblique d'Esther avec la Britannique Joanne Collins. L'année suivante, Nicolas Ray raconte l'histoire de Jésus, incarné par Jeffrey Hunter dans Le Roi des Rois, et Robert Aldrich reprend, ou supervise, suivant les sources, le tournage de Sodome et Gomorre, consigné par le jeune Sergio Leone, qui méprise le genre et sabote ce film, dont l'échec fait trembler la puissante compagnie Titanus. À côté, c'est ce qui se dévène parodique et fantastique, avec, d'une part, la comédie musicale La Chérie de Jupiter, réalisée par George Sidney avec Esther Williams, et le Forum en folie du Britannique Richard Lester avec Buster Keaton en guest star. D'autre part, Jason et les Argonautes de Don Chaffee, que nous avons déjà abordé dans des précédentes chroniques, bénéficient du merveilleux art d'animation de Ray Harryhausen. Qu'en était de la Cour des Nations? Nous allons le voir dans cette nouvelle sous-partie. Les échecs successifs et relatifs du Cléopâtre de Joseph L. Mankiewicz en 1963 au tournage épique entamé par Ruben Mamoulian, qui abandonne ensuite le cinéma, est l'un des sommets du Star System et de la chute de l'Empire romain d'Anthony Mann en 1964, pour lequel le Forum romain avait été reconstruit en grandeur réelle, film luxueux devenu des classiques. D'ailleurs, le second inspira Gladiator, entraînant la chute du peplum à Hollywood. Le genre mettra en effet 4 décennies pour se relever. Pour la nouvelle petite parenthèse, le Star System est un groupe de fans qui idolâtre un acteur ou une actrice. Fin de la parenthèse. L'approche moraliste de ces deux mastodontes a peut-être découragé un public majoritairement à la recherche de divertissements légers. Les monumentaux La plus grande histoire jamais contée de George Stevens, sorti en 1965 avec Max von Sydow en Jésus et Charlton Heston en Jean-Baptiste, tourné dans une région désertique du sud des États-Unis, et La Bible de John Huston, sorti en 1966 avec Ava Gardner en Sarah et Peter O'Toole en Ange, qui ambitionne de restituer l'Ancien et le Nouveau Testament, passeront presque inaperçus. Pareillement, Le Dernier Romain, produit en Europe d'après un best-seller de l'allemand Félix Dan, paru en 1876, sort en 1968, presque un siècle plus tard, dans la différence générale, malgré la présence, à son générique, du réalisateur Robert Siodmak, dont ce fut également le triste chant du cygne, et face au Britannique Lawrence Harvey, Orson Welles et Sylvia Cosina dans les rôles de l'empereur Justinien et de sa femme Théodora. Ici, par chant du cygne, comprenez la plus belle, dernière chose et dernière œuvre réalisée par Robert Siodmak avant de mourir. Terminons cette chronique par parler des clichés concernant le péplum. La recette basique du péplum américain a été fixée par Cecil B. 2000. Beau héros, musclé de préférence, dans lesquels on peut citer Gregory Peck, Stephen Boyd, Charlton Heston, Yul Brynner ou encore Marlon Brando. En plus du beau héros, il faut aussi une belle héroïne, parmi lesquelles nous pouvons citer Debra Paget, Rita Hayworth, Suzanne Hayward, Elizabeth Taylor, les Britanniques Joan Collins, Jean Simons et Claire Blum, les Italiennes Silvana Mangano, Sofia Loren et Gina Lollobrigida. Les Françaises Mylène de Mongeau, Ludmila Tcherina, Michel Morgan et Anouk Aimée. Un autre élément de cette recette basique est une action spectaculaire, comme les orgies ou les batailles. Les décors et les costumes doivent être somptueux. Les comédiens britanniques y ont généralement une place réservée, qu'on appelle le crédit shakespearien, tradition conservée aujourd'hui. Ainsi, John Feelgood, Charles Lofton, Laurence Olivier, James Mason, Rex Harrison, Stewart Granger, Alec Guinness, George Sanders ou encore Richard Burton ont été mis à contribution. Le spécialiste Florent Pallard a dit, je cite, « Cette génération de films à sujet antique fut marquée par des messages pacifiques issus principalement de la religion chrétienne où les États-Unis semblaient se conforter dans leur double position de peuple élu et de gendarme du monde. Tout cet univers était fortement codifié avec des héros blonds aux yeux bleus luttant contre des démons bruns aux yeux sombres comme pour suggérer la pureté de l'un et la noirceur de l'autre. » Fin de citation. C'est ainsi que se termine cette émission sur la troisième partie sur le péplum. Dans la quatrième partie, que vous entendrez la semaine prochaine, nous parlerons des productions italiennes s'étalant sur la période allant de 1952 à 1965. N'oubliez pas que vous pourrez retrouver cette émission en podcast sur notre site internet www.radiogamozo.eu, tout attaché, sans accent et avec un T à la fin de Mozo. Et comme d'habitude, je vous invite à nous partager votre avis sur notre page Facebook Radio Gamozo en nous appelant au 03 29 62 40 40 ou encore en venant nous rendre visite à la radio, située à l'adresse 8, place de l'Hôtel de Ville, à Saint-Étienne-lès-Remiremont. Nous serions ravis de vous lire, de vous répondre et de discuter avec vous. En attendant, moi je vous laisse ici, prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine. Bonne semaine à toutes et à tous.